à toutes et à tous, on se retrouve pour l'émission Libresque Préface pour parler bouquins autour de thèmes variés, tout ça avec des propositions musicales. On en parle à la maison et le thème aujourd'hui c'est la fin de vie. Et pour aborder ce sujet difficile, on va parler de deux livres qui laissent sous-entendre une nouvelle vie, Réparer les vivants et Les vivants au fond. Commencer et les vivants autour est un thriller de Barbara Adel, que j'ai eu la chance de lire grâce aux éditions Bellefond, que je remercie pour cet envoi. Le speech est assez sombre. Depuis 4 ans, la cadette de la famille Mercier n'est plus qu'un corps, une ombre qui plane au-dessus d'eux, tandis que son cœur bat encore. Cela fait 4 ans que Jeanne n'a donné aucun signe de vie, en dépit de sa respiration calme et régulière. À 29 ans, elle est plongée dans le coma, dans un état d'éveil non répondant. Les médecins essaient de convaincre les proches que cela n'est qu'un acharnement médical, et alors que le professeur Goussen convoque les parents et le mari de Jeanne, il leur annonce que l'impossible est arrivé. Un dilemme qui commence à déchirer la famille d'apparence soudée et parfaite autour d'un même corps. Une famille déchirée, des erreurs du passé qui ressurgissent, le destin qui semble punir chacun des membres de cette famille, où le secret, la jalousie et le mensonge semblent naturels. C'est un thriller passionnant que j'ai lu très rapidement tellement j'ai accroché. On a envie de savoir ce qui est arrivé, qui sont les coupables bien sûr, mais aussi qui sont les victimes. C'est une autre histoire de fin de vie, qui elle aussi n'est pas tout à fait terminée. Je ne vais pas vous spoiler, mais parfois la vie se cache là où on l'attend le moins. Et ce fut très intéressant et intense sur différents points. D'abord l'amour, qui est commun à tous les personnages, que ce soit l'amour familial, entre parents, entre sœurs, mais aussi entre les couples. Les parents Micheline et Gilbert, Charlotte la fille aînée et Guillaume, et surtout Jeanne et Jérôme. Donc des amours qui sont différentes, mais avec un point commun, un problème de communication et de considération sous-jacent. Ce qui amène à un autre point, un traumatisme qui les réunit tous, l'accident de Jeanne d'une part, qui a une incidence sur toute leur vie, dans l'organisation de leur journée, dans leur vie sentimentale, familiale, mais aussi un autre traumatisme que je vous laisserai découvrir et qui est d'autant plus destructeur. Bien sûr, le sujet de la fin de vie et du coma est complexe, mais Barbara Abel les traite avec une certaine tendresse, avec aussi un peu de colère, de jalousie, de rancune, de regret, vraiment humainement. Et les vivants autour, c'est plus l'histoire d'une famille avec ses problèmes que l'histoire de Jeanne, même si tout mène à elle. C'est vraiment un livre très intéressant à lire et je vous laisserai le découvrir, il est très très bien. Avant de continuer, je vais vous laisser écouter Mama de My Chemical Romance et on se retrouve juste après. Mama, we all go to hell. Mama, we all go to hell. I'm writing this letter and wishing you well. Mama, we all go to hell. Whoa, well now, mama, we're all gonna die. Mama, we're all gonna die. Stop asking me questions, I'd hate to see you cry. Mama, we're all gonna die. And when we go, no blame us, yeah. We'll let this fire just be. Full of lies. Mama, we're meant for the flies. And right now they're building a coffin your size. Mama, we're all full of lies. Well, mother was the one into my legs and to my tongue. You should have raised a baby girl. I should have been a better son. If you could count on the infection, they can amputate it once. You should have. Never let you know. I'd maybe then sing you a song. But the shit that I've done with this fucking again, you regret us to rise alone. We're dead after all. The fortune and play we fall. Pour parler du thème de la fin de vie, je peux aussi vous proposer un autre livre, Réparer les vivants, qui est un roman de Mélisse de Carangal, paru en 2014 aux éditions Gallimard. C'est l'histoire d'un destin tragique, d'une vie brutalement stoppée à la suite d'un accident de voiture. Simon Limbre, 19 ans, revient de sa session de surf habituelle entre amis lorsque l'accident survient. Traumatisme crânien, il plonge dans un coma profond, et alors qu'il est admis en réanimation, la mort cérébrale est déclarée. On suit alors Marianne et Sean, les parents de Simon, dans leur raisonnement, leur douleur, leur incompréhension aussi. Le docteur Révol et Thomas, l'infirmier spécialisé dans le don d'organes, leur demandent donc le souhait de Simon sur la question. Les parents prennent le temps d'une longue réflexion, alors que leurs souvenirs remontent et que la culpabilité les assaille. Pourquoi l'ai-je emmené faire du surf? Pourquoi n'ai-je pas dit non pour ce matin? Pourquoi est-il parti avant nous? Mais le temps presse. En fin d'après-midi, leur décision est prise, ils donnent leur accord pour le prélèvement du cœur, des poumons, des reins et du foie. Le sein médical se met en route, des receveurs sont trouvés et des équipes viennent des quatre coins de la France pour prélever l'organe recherché. Les greffes doivent être faites rapidement, les receveurs sont prévenus et hospitalisés pour l'intervention. Et une nouvelle vie commence pour tous ces inconnus. Ce roman était poignant par sa réalité et sa poésie. Oui, un accident peut nous ôter la vie du jour au lendemain, mais nos organes peuvent sauver celles d'autres personnes. Le roman nous amène à réfléchir personnellement sur la question du don d'organes. Il nous encourage à avoir cette réflexion qui est très importante. Avant de se quitter, on va écouter En silence de Romain Elvis. A tout de suite. Yeah. Les drames nous apprennent à nous d'en faire des forces. Les choses ne seront plus pareilles, la vie nous lance des paris. On avait 17 piges, on était encore des gosses. Parmi toutes les prises de risques et l'innocence qu'on laissait paraître, on faisait des conneries sans faire de mal. Mais celle-là aura coûté la vie de Simon. La tête dans une mare de sang inarrêtable. Les images d'un ami parti dans le silence. Les remords sont immenses. J'avais un peu peur de faire ce texte. Je voulais pas faire de mal à mes amis. On est plusieurs à l'avoir vu perdre la vie. Et aussi il faut dire que je les ai perdus de vue. Je repense à Simon plusieurs fois par semaine. Souvent des pensées qui ne sont pas rationnelles. Des fois simplement accepter que son heure avait sonné. Mais la mélancolie est plus forte et me casse le sommeil. J'ai vu la mort reprendre Simon. Ah. J'ai vu la mort reprendre Simon. Un soir de printemps dans ma ville. Un choc violent pour l'éternité. Un jeune gamin contemplatif. J'ai vu la mort reprendre Simon. Ouais. La mort reprendre Simon. J'ai mon pote Constantin dans la tête. T'es vraiment parti dans une avalanche? Ça paraît fou à croire et pourtant c'est aussi vrai que dans ma carrière t'as fait pencher la balance. L'enterrement c'était dur mais putain y avait du monde. Beau gosse, une dernière fois tu nous as montré l'ampleur des connexions et ta force de séduction. Beau gosse. Hey, hey, hey. Cette douleur est indispensable mais à chaque fois elle me brise mec. J'suis trop sensible pour dire adieu à mes amis noyés dans la tristesse. Ils sont partis, c'est comme ça. La vie voulait les choses ainsi. J'suis pas un mec qui croit au destin, mais leur mort m'aura inculqué de beaux principes. J'ai vu la mort reprendre Simon. Ah. J'ai vu la mort reprendre Simon. Un soir de printemps dans ma ville. Un choc violent pour l'éternité. Un jeune gamin contemplatif. J'ai vu la mort reprendre Simon. Ouais. La mort reprendre Simon. Voilà, c'est sur cette musique que l'émission se termine. J'espère qu'elle vous aura donné envie de lire ou relire ses œuvres, ou qu'elle vous aura fait découvrir de nouvelles choses. Et Les Vivants Autour de Barbara Abel est disponible aux éditions Belfond, au prix de 19€, et Réparer les Vivants de Mélisse de Carangal est disponible aux éditions Gallimard, au prix de 19,50€, et en format poche et folio, au prix de 8€. Voilà pour les informations pratiques, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, et bonne lecture. Salut !